Rester à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les écritures. Offrir ma vie comme une monture. Cela mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Car je sais comment, attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice tout à Dieu. Seigneur, nous bénissons ta présence ce soir. Nous te disons merci pour la vie. Merci parce que tu es au contrôle de nos vies. Tu nous dis, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Nous apprécions ton nom, Seigneur. Nous apprécions ta présence. Merci de veiller sur nos vies. Qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur? Que t'avons-nous donné de si précieux? Pour que les autres héritent ce qu'ils ont. Pour que les autres se perdent. Que les autres meurent. qu'ils soient bloqués et que nous soyons en bonne santé. C'est un privilège. C'est une grâce. C'est une faveur. C'est pourquoi ce soir, nous voulons demeurer reconnaissants dans ta présence. Merci pour ce que tu es. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à l'agneau. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci au révérend pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous tenir devant vous. Merci pour votre présence. Nous voulons partager pendant un court moment la parole de Dieu. Toujours dans notre thème de l'année. Juge chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. C'est le sujet sur lequel nous voulons parler ce soir. Va avec cette force que tu as. Dans une situation très difficile, Israël a fait ce qui déplaît à Dieu. Dieu les livre entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans de souffrance. 7 ans où Israël ne voit pas sa production. 7 ans de pleurs. 7 ans où il regarde à son problème, rien ne change. Peut-être que tu es ici ce soir. Tout ce qui se passe dans ta vie te montre que c'est difficile. Tu es découragé quelque part. Mais nous voulons partager la parole de Dieu. Sur base de ce que nous allons partager, saisis quelque chose. Chukua kitu kimoya. Tout ce qu'il y a sur la terre arrive toujours à nous décourager. Dieu dit à Gédéon: va avec cette force que tu as. Tu te retrouves dans l'œuvre de Dieu. Tu es dans un travail. On te décourage toujours. Comme je dis toujours, Likasi, ma ville est une belle ville. Mais il y a ce qui manque à cette ville. Tout ce que vous ferez de bien, on ne va pas vous le reconnaître. C'est drôle, hein? Mais c'est ça, Likasi. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alors, la parole de Dieu devrait nous permettre à nous encourager chacun. Va avec cette force que tu as. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. On dirait qu'autour de Gédéon, plusieurs choses pouvaient lui donner la force. Mais il fallait que Gédéon saisisse une chose qui pourrait lui permettre d'avancer dans la vie. C'est comme ça que Dieu lui dit: va avec cette force. C'est comme quelqu'un qui a présenté plusieurs choses, mais qui ont tendance de ne pas lui prouver qu'il peut avancer avec. Maintenant, Dieu lui donne la précision. Il dit: regarde, tout ça ne peut pas t'aider d'avancer. Mais toi, saisis cette chose. Frères et sœurs, je voudrais donner quelques vérités. Avant de vous donner le message de ce soir. Dans la vie, aussi longtemps que vous n'avez pas le temps d'écouter celui qui vous veut du bien, rien ne pourra changer. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, aussi longtemps que vous n'allez pas écouter ou donner les oreilles à celui qui vous veut du bien, rien ne va changer. Vous n'allez pas avancer. Dans cette situation où Gédéon s'est retrouvé, s'il n'avait pas quelqu'un qui lui voulait du bien et qui pouvait lui dire en ce moment-là, va avec cette force que tu as, Gédéon ne pourrait pas avancer. Frères et sœurs, tu dois toujours avoir à tes côtés quelqu'un qui te veut du bien. Et si tu as quelqu'un qui te veut du bien, écoute-le. Dieu te veut du bien. Dieu nous veut du bien. Et si nous voulons le voir se manifester, écoutons-le. Il n'y a personne sur la terre qui vous voudra du bien comme Dieu. Personne. Personne. Personne. Quelle que soit sa nature, quel que soit ce qu'il possède, quelle que soit son autorité, quel que soit son cœur, personne ne peut vous aimer comme Dieu. Et si vous avez compris que Dieu vous aime, écoutez-le. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Deuxième vérité, c'est qu'une vraie relation dans la vie nous permettra d'avancer. Toute bonne relation, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. Si vous êtes dans une relation qui ne vous permet pas d'avancer, frères et sœurs, il faut le revoir. Le revoir. Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Pourquoi Dieu dit à Gédéon d'avancer? Parce que dans la relation de Dieu avec l'homme, l'homme ne peut pas échouer. L'homme ne peut pas être bloqué. Aucun problème ne peut bloquer l'homme. Frères et sœurs, ce soir, revois ta relation. Qui est dans ta relation? Tu partages avec qui? Depuis que les choses n'avancent pas, regarde, tu n'as pas besoin d'aller loin. Et si tu réalises qu'autour de toi, il y a des hommes et des femmes, mais qui ne te permettent pas d'avancer, qu'est-ce que tu vas faire? Change. La relation avec Dieu, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu as fait, Dieu, si vous êtes en relation avec lui, même si vous avez péché, il vous pardonnera. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La relation avec Dieu. Oh frères et sœurs, je te supplie ce soir, au-delà de toutes les relations, revois ta relation avec Dieu. L'homme peut faire un pas avec toi, mais c'est possible. Le moment où tu attends ton deuxième pas, il dit, moi je m'arrête là. Mais Dieu, il sera avec toi aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours. Dieu veut que tu avances. Mais le plus important, ta relation. Troisième vérité. Dans la vie, retiens ceci. Satan peut te prendre certaines choses. Dieu aussi peut te prendre certaines choses. Mais dans toutes ces choses, sache que Dieu peut te remettre ce que Satan ne peut pas te remettre. Il y a des choses que Dieu va vous prendre. Il y a des choses que Satan va vous prendre. Mais à la fin de toutes choses, si cela contribue à ce que Dieu gagne dans votre vie, ne vous découragez pas. Avancez avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se découragent. Ils regardent la loi de Dieu. Ils disent, moi j'obéis à la loi de Dieu. Je suis les prescriptions de Dieu. Je n'ai pas de reproche. Mais quand il regarde sa vie, on dirait qu'il y a des choses qu'on lui a volées. Tu regardes dans ta vie, on dirait que Satan a volé ta joie. Satan a volé ta paix. Satan a volé certaines situations. Pourtant, tu sers Dieu. Oh, frères et sœurs, j'aimerais t'encourager ce soir. Ne te décourage pas. Si Dieu est ton allié, si Dieu est dans ta relation, je te dis la vérité. Même si Satan t'a volé, ce que Satan t'a volé là, Dieu va te le rendre. Et même si c'est Dieu lui-même, parce qu'il peut arriver que Dieu puisse te ravir certaines choses afin d'attirer ton attention. Alléluia. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, avance. Ne te décourage pas. Gédéon, va avec cette force que tu es. C'est quelle force? Je réalise. Parce que l'ange s'est apparu à Gédéon. Dieu est venu vers lui. Tu dois avancer. Comment? Regarde ma famille. J'ai des choses que tu m'as données. Mais par quelle chose tirer la force? Et c'est là que se pose le problème de plusieurs personnes. Alors, j'ai choisi dans la Bible une personne qui fera sujet de notre réflexion ce soir. Et cette personne, c'est Job. Alléluia. Parce que pour avancer, il faut saisir certaines choses. L'homme tire le courage dans son passé S'il ne trouve rien, il va fêter dans son présent. Ou encore, il va mettre espoir dans ce qu'il peut voir demain. Alors, Job remplit cela. Nous voulons voir ce soir, par cette personne de Job, ce qu'il avait, ce qu'il a perdu, et comment il a tout retrouvé. Parce que le découragement a toujours un point de départ dans la vie des enfants de Dieu. Le découragement ne vient pas comme ça. Non, non. Et le découragement est toujours lié à la chair. Vous allez le comprendre. Job chapitre 1er. Le verset 1 à 3. Nous voulons voir ce que Job avait. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, il y avait un homme dans le pays d'Ut. Un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Généralement, lorsqu'on parle de Job, plusieurs fois, nous avons tendance à parler de sa richesse, de tout ce qu'il a perdu, mais nous ne nous arrêtons pas à ce que Job avait de plus précieux. Voici parmi les choses que Job avait, les choses précieuses que chacun de nous devrait avoir. Sur le chemin de la foi, il y a des choses que nous devons avoir. Si vous ne les avez pas, tout va vous décourager. Maintenant, qu'est-ce que Job avait? Job avait l'intégrité. Job était droit. Alléluia. Alléluia. Il avait la crainte de Dieu. Et il s'est détourné du mal. En d'autres termes, Job avait le royaume. Source féconde. Est-ce que tu as le royaume? La première chose qui caractérisait Job, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas les maisons. Job avait l'intégrité. C'est des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et plus on en manque, facilement, nous sommes découragés. Frères et sœurs, dans tout ce que tu as, cherche aussi l'intégrité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut me faire confiance? Mamami, est-ce que Minéza vous fait confiance? Non, il y a bien. Amen. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes encore intègres? La plupart des hommes et des femmes qui découragent les autres sont ces hommes qui ne sont pas intègres. 6 heures, on a sema bingine. 6 heures, tu dis autre chose. 12 heures, on a sema bingine. 12 heures, tu dis autre chose. Mangaribi, on a sema bingine. Le soir, tu dis autre chose. Kamoko muntu wa vile. Si tu es une telle personne, frères et sœurs, Bukunada, tafuta intégrité. Cherche l'intégrité. Bikunguvu, c'est difficile. Évoluer na we. Évoluer avec toi. Parce qu'on a changé à tout. Parce que tu changes à tout moment. Kamoko na mie. Si tu es avec moi, tu es une autre personne. Si tu es avec lui, tu es une autre personne. Non, non. Non. Non. Pana. Église de Dieu. Il y a des richesses qu'on ne peut pas manquer. Job était intègre et droit. Il n'avait pas de différence à choisir entre l'un et l'autre. Il ne choisissait pas. Frère, vous savez, nous avons une maladie qui a déjà amené les hommes à mesurer même entre l'autre et l'autre. Job était intègre devant Dieu. Job, ce n'est pas le fait de servir, frères et sœurs. Ce n'est pas le fait de tenir le micro. Job n'a pas besoin de micro. De toute façon, il n'en a pas pris. Mais il était intègre. Frère, si tu as un micro, si tu as un frère, tous nous voulons plaire. Si tu as un micro, bien. Nous voulons être bien. Mais est-ce que tu es intègre? Mais est-ce que nous sommes intègres? Vous savez, l'une des choses qui montre que la justice règne, c'est l'intégrité. Là où il y a les gens intègres, frères et sœurs, là où il y a les gens intègres, il est difficile que le mal puisse régner. Job avait l'intégrité. J'ai envie de parler à l'église. Mon frère et ma soeur, manque tout dans la vie. Sois intègre. Un jour, Dieu se souviendra de toi. Il était droit. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Jure, je te le dis. Frères et sœurs. Craignons Dieu. Il y a des choses. Ça paraît ce que ça paraît. Job n'avait pas la première chose, la richesse. La première chose qu'il avait, le royaume. Frères et sœurs, est-ce que nous avons le royaume? Il n'y a que ceux qui ont le royaume qui ne sont pas découragés. Vous allez tout faire. Vous n'allez pas décourager ceux qui ont le royaume. On ne peut pas avoir le royaume en étant attaché au mal. Non. Il faut se détourner du mal. Beaucoup de gens nous servons. mais avec le mal. Je te prie, ma soeur. Je te prie, mon frère. Parmi les choses que Job avait, la première chose, c'est le royaume de Dieu. Tout pouvait lui arriver. Au même moment, ça lui arrive. Job va rencontrer Dieu. Toi aussi, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez ce que le royaume a encore donné à Job. Verset 2. Il naquit 7 fils et 3 filles. Cherchez premièrement le royaume. Et puisqu'il avait le royaume, Dieu lui a donné des fils et des filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs. Ah. Job. Yobo. Kamani Leo. Si c'est aujourd'hui, Job est multimilliardaire. Job a pas quoi multimilliardaire. Il a le royaume. Anakuwa na ufalme. Il a les milliards. Anakuwa na feza. Continue. Andele. Troisième verset. Il possédait. Écoutez maintenant ce qu'on dit. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, voici ce qui découle du royaume. Il était intègre. Il était juste. Il était droit. Il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Regardez comment Dieu l'a béni. Frères et sœurs, si vous avez le royaume, Dieu du ciel ne manquera pas de vous accorder ce qui vient avec le royaume. Alléluia. Alléluia. Donc, si je résume ces choses, je réalise que Job était bien. Frères et sœurs, quelqu'un qui vit ça, il est calme, il est posé. Mais je continue d'étudier. Parce que nous devons arriver à un point qui nous réunit ce soir. Parce que pourquoi je dois avoir toutes ces choses? J'ai le royaume. J'ai ce qui suis avec. Mais un jour, je me retrouve découragé. C'est ce qui nous arrive au deuxième point. Qui nous amène au deuxième point. C'est ce que Job a perdu. S'il a ce qu'il avait et qui lui donnait la force, il y a ce qui lui est aussi arrivé qui lui a découragé. Qu'est-ce qui lui a découragé? Job chapitre 1er, verset 13. 13 à 19. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient, les ânes paissaient à côté d'eux, Des sabers se sont jetés dessus. Les ont enlevés. Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ça, c'est la première des choses que Job a perdu. Les bœufs et les serviteurs. On les a égorgés. Il dit, je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. Quand vous réalisez la première phase, c'est ce que Job avait. Il vivait bien. Israël vivait bien. Mais maintenant, il se pose un problème. On a tué les bœufs de Job. On a tué les serviteurs de Job. La première nouvelle est arrivée. Deuxième nouvelle, on avance. Verset 17. Pendant qu'il parlait encore, un autre arrive des Chaldéens, formé en trois bandes. Ils se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés. Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le même jour, les problèmes commencent. Il parlait encore. Un autre vin est dit. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Acclamons le Seigneur. Quand je médite la Bible, vous réalisez les choses qui découragent les hommes. Et parmi les choses qui nous découragent, il y a la mort. La mort décourage, frères et sœurs. La mort, elle peut être spirituelle. La mort, elle peut être charnelle. Dans tous les deux cas, elle décourage. Plusieurs personnes sont frappées par cet esprit-là. Et ils sont découragés dans leur vie. Quand la mort vient, elle ravit ce qu'il y a de cher. Elle ravit ce qu'il y a de plus cher devant vos yeux. Et la seule chose qu'elle laisse, c'est le découragement. Ce n'est pas facile de reprendre cette personne. Et pendant que je parle, je prie à Dieu qu'on ne t'arrache pas ce qu'il y a de plus précieux. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je ne veux pas te voir pleurer. Je prie pour toi que le Dieu du ciel préserve ce que tu aimes et ce qu'il a mis entre tes mains. Quand il y a la perte, c'est ce qui a découragé Gédéon. Il savait certaines choses. Mais quand il s'aimait, pendant la récolte, d'autres personnes venaient prendre. Job avait certaines choses. Oh frères et sœurs, tout ce qui vous découragera dans la vie, c'est les choses qui sont attachées à votre chair. Voilà. C'est très important. Tout ce qui vous découragera dans la vie, c'est tout ce qui est attaché à votre chair. C'est pourquoi la Bible dit, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si tu n'es pas affectionné aux choses de l'esprit, Satan jouera beaucoup avec tes pensées. Satan jouera beaucoup avec votre vie. Satan vous montrera toujours que les choses ne marchent pas. Pourtant, Dieu veut que tu puisses avancer. Mais Satan vous dérangera dans votre chair. Job a commencé à voir tout ce qu'il avait dans sa chair se perdre. Peut-être tu es ici ce soir. Tout ce qui se perd, c'est ce qui vous donne la joie. Mais ma prière ce soir, c'est que Dieu vous restaure au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous restaure au nom de Jésus. Job a perdu sa richesse. Job a perdu ses enfants. Plus loin, Job tombe malade. Il perd même sa santé. Frère, vous savez, quand Satan veut vous décourager, il part partie après partie, élément après élément, une chose après une autre chose, jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Et vous allez voir ici qu'il y a une complicité. Dieu dit à Satan, tu as vu Job. Il dit, je l'ai vu ton serviteur. Mais toute son intégrité, c'est parce que tu lui as donné de la richesse. J'ai aimé, frères et sœurs. Donc, il y a des choses que Dieu montrera à l'ennemi. Il y a aussi des choses que Dieu va cacher à l'ennemi. Parce que Dieu sait que ces choses, il peut vous les en donner encore. Satan connaissait tout. Tout de Job. Mais il ne savait pas que Job était intègre. Il y a des problèmes qui vont vous arriver. Mais l'objectif, ça sera de savoir si vous allez encore rester attaché à Dieu. Beaucoup de gens, frères et sœurs, tous les problèmes ne viendront pas seulement de Satan. Non. Tous les problèmes dans votre vie peuvent aussi venir de Dieu. Mais avec un seul objectif. Savoir si vous allez encore rester intègre. Si vous allez encore suivre Christ. Si vous allez encore marcher dans ses principes. J'ai aimé, frères et sœurs. Il y a ce que Job avait. Il y a aussi ce que Job avait perdu. Il y a des choses que vous aurez dans la vie. Il y a aussi des choses que vous allez perdre. Frère, ce sont des principes de la vie. L'homme est content et généreux le jour où il trouve. L'homme est content et généreux le jour où il est béni. Mais le jour où un problème arrive, le jour où il perd, oh frères et sœurs, je me rappelle de Jacob. On vient lui donner la preuve que Joseph est parti. Jacob n'a plus rien vu. Tout ce que Dieu a fait de son parcours, Jacob a tout oublié. Oh frères et sœurs, oublie tout, mais n'oublie pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui vont te garder aujourd'hui, qui vont prévaloir même dans ton avenir. Dieu t'a placé où il t'a placé, mais il a des objectifs avec toi. Il y a ce que tu auras. Il y a ce que tu perdras. C'est dans la chair. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez donc de rien. L'une des choses qui nous décourage a comme lien à notre chair. Il y a des choses que tu veux entendre. Il y a des choses que tu veux voir. Il y a des choses que tu veux toujours toucher. Il y a un temps, tu ne les verras pas. Mais Dieu sera avec toi. Oh, j'ai aimé Job. Il a perdu la richesse. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. Mais dans toutes ces choses, la Bible me dit que Job a déchiré son manteau. Il est tombé par terre. Oh, frères et sœurs, il a commencé à adorer Dieu. Il a dit à Dieu, quel que soit ce qui m'arrive, je ne t'abandonne point. Qu'est-ce que j'ai reçu qui n'est venu de toi pour que je pleure sur ce qui est parti? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, frères et sœurs, nous avons un bon Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Il y a des choses qui peuvent vous arriver. Ça peut venir de Satan. Mais rassurez-vous de donner la gloire à Dieu. Chaque fois que vous donnez gloire à Dieu, vous donnez la position à Dieu de pouvoir récupérer cette situation pour votre intérêt. Celui qui est allé comploter, c'est Satan. Mais Job a rendu la gloire à Dieu. Satan a provoqué, mais Job a remis tout à Dieu. Chaque fois que vous allez remettre toutes les situations qui vous arrivent à Dieu, chaque jour, chaque fois, frères et sœurs, ces situations seront pour votre avantage, parce que le Dieu de la Bible n'a pas encore dit son dernier mot. Vous savez, ce qui m'a encouragé, j'ai un peu fait comme une nuance sur les deux personnes. Gédéon avait une relation avec Dieu. Et Gédéon était intègre, bien-aimé. Quelle que soit la situation par laquelle Israël traversait, Gédéon n'a pas adoré le Dieu de ses pères. Quel que soit ce qui est arrivé à Job, Job n'a pas manqué d'abandonner Dieu. Il a refusé. Pourquoi? Frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Vous savez, dans la vie, il est important de se rappeler que vous avez un Dieu fidèle. Dieu créera des situations dans votre vie pour voir si réellement vous croyez qu'il est fidèle. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Quel que soit ce que vous traversez, rassurez-vous, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Regardez après que Gédéon a obéi à Dieu. Israël en est sorti vainqueur. Gédéon a battu Madian. Regardez la fin de Job. Puisqu'il a enduré, puisqu'il a accepté, la Bible dit dans Job 42, l'Éternel a rétabli Job. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas de raison de rester dans cette situation. Tu n'as pas de raison de pleurer, mais tu as une décision. C'est celui d'avancer. Car tout celui qui a une relation avec Dieu, il ne peut qu'avancer. Dieu est un Dieu fidèle. Ce n'est pas parce qu'Israël pleurait que Dieu n'était pas pour eux. Non, frères et sœurs. Non. Dieu, il était pour Israël. Dieu est pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Alléluia. Alléluia. Oh, frères et sœurs. Ce soir, j'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager d'avancer avec Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui t'arrive, j'aime la position de Marie. Bien que Lazare n'est pas là, elle était toujours au pied de Jésus. Quel que soit les problèmes que tu as, au pied de Christ, il y a des ressources terribles. Dieu peut te donner la force. Tu as besoin de cette relation. Je me reprends pour terminer. Aussi longtemps que vous n'avez pas le temps d'écouter celui qui vous veut du bien, rien ne va changer. Dans la situation de Job, dans la situation de Gédéon, ils avaient au moins quelqu'un qui leur voulait du bien. C'est Dieu. Écoute-le. Beaucoup de gens ont échoué. Ils n'ont pas su avancer parce qu'ils n'apprennent pas à écouter ceux qui les aiment. Alléluia. Alléluia. Une vraie relation dans votre vie vous permettra d'avancer et d'aller de l'avant. Si vous n'avancez pas, c'est quelque part il y a des problèmes. Job a avancé malgré tout. Il savait que Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle. Est-ce que vous savez que Dieu est fidèle? Est-ce que vous savez encore que Dieu est fidèle? Frère, tu pleures, c'est vrai. Est-ce que tu sais que Dieu reste fidèle? Dieu peut te prendre certaines choses. Satan peut te ravir certaines choses. Mais de toutes ces choses, Dieu, quand il prend la décision, il peut vous les remettre. Le plus important, attache-toi à Dieu. Ce soir, tu n'as pas de raison de rester où tu es. Tu dois avancer. Mais apprends ces principes. Gagne d'abord le royaume. Il n'y a que ceux qui ont le royaume. Il n'y a que ceux qui ont Christ qui peuvent avancer malgré tout. Parce qu'à un moment donné, sa relation avec Dieu va payer. La fidélité de Dieu va payer. Alors nous voulons prier pendant un court moment. Toi aussi tu vas prier dans ton problème. Il y a ce que tu avais, il y a ce que tu constates que tu as perdu. Mais je veux te dire ce soir que Dieu reste fidèle. Et ce soir, il peut te faire grâce. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Dieu reste fidèle, mon frère. Dieu reste fidèle. Quel que soit ce par quoi tu traverses, Dieu reste fidèle. Oh, je bénis le Seigneur. Oh, Shadakarabazike. Oh, Shakodayaba. Merci Saint-Esprit. Andarabazikeya. Oh, bénis le Seigneur pour cette situation. Bénis ton Dieu. Il est puissant. Il est fidèle. Oh, Dieu fidèle. Je te proclame un Dieu fidèle. Quel que soit le temps, Rabazike, Shakada Rabazike, Dorobo Shaka, Ima Mama, oh Rabashaka, qui est-ce que tu as appelé et que tu as abandonné sur son chemin? Qui t'a fait confiance? Et qui s'est arrêté sur le chemin. Tout celui que tu as appelé, tu l'as revêtu. Tu l'as fait grâce. Tu as été avec lui. Parce que tu es un Dieu fidèle. Et ce soir, je crois que ce que tu as dit, tu finis par l'accomplir. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom. Que ton nom soit béni. Oh, merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout pour déclarer quelques paroles. Cette soirée, j'aimerais que toi-même tu parles à ta vie. N'accepte pas qu'il y ait certaines circonstances ou situations qui veulent te montrer que Dieu n'existe pas. Ou que Dieu n'est pas fidèle. Non, non. Tout dépend de toi. Beaucoup ont voulu même m'abandonner. Frère, ne réponds pas à ta chair. La chair est chair. Les œuvres de l'esprit sont esprit. Notre Dieu est fidèle. Le Dieu de cette église, il est fidèle. S'il dit va avec la force que tu as, c'est parce qu'il est fidèle. Il connaît ce que tu avais. Il sait ce que tu as perdu. Et il sait combien il va te restaurer. Je veux t'annoncer ce soir le temps de ta restauration. Mais tout dépend de toi. Dieu reste fidèle. Bénis le Seigneur et proclame sa victoire et proclame sa fidélité. Il est vivant. Il est avec toi. Sois rassuré. Prie le Seigneur. Déclare dans ta vie. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne dois pas accepter toujours d'entendre ces paroles qui te découragent. Maintenant, tu dois partir. C'est toi qui dois faire. C'est toi qui dois agir. C'est toi la solution. Oh, Dieu est fidèle. Ce qu'il a pris à Job, il l'a restauré. Je crois aussi ce soir que Dieu va me restaurer. Quel que soit ce que l'ennemi a volé, le Dieu de la Bible, il va me restaurer. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Au nom de Jésus-Christ.